Thank you. gâteau, moi. C'était sympa. Cool. Ilos. Bah, si t'étais là, oui, bien sûr. En fait, c'était l'anniversaire de ma fille. Voilà. Alors, on a fait plein de gâteaux. On a fait des gâteaux. Il y avait une tarte, pomme. Thank you.